dans les marines, section d'élite. On m'appelle Captain Bullet. J'ai 40 ans de balade depuis Hanoï jusqu'à Bagdad. Je vois comme si c'était hier les vastes forêts de cimetières. Les gosses brûlés par le napalm dans ce lointain, lointain Vietnam. La petite fille, un soir d'été, jouait toute seule à la poupée. Une de celles made in USA volée au comptoir des soldats. Ce n'est pas la peine de vous raconter que la petite n'a pas été trouvée. Trois version spéciale dernière de la politique étrangère. 30 ans déjà, triste bilan. Pour tout le monde, c'est attristant. Mais demain le jour se lèvera, 30 ans sur la patrie natale. Et ne faites pas semblant de pleurer, demain déjà vous oublierez. Et laver votre conscience, le paradis mérite d'avance. C'est dégueulasse, mais la petite dans ma chanson aimait la vie. Elle est partie sans avoir peur, serrant la poupée sur son cœur. Je revois toujours les gamines à cloche-pied entre les mines. D'Irak jusqu'en Afghanistan, j'en verrai peut-être en Iran. C'est possible qu'un jour à Paris explose une poupée Barbie, une de celles made in USA volée au foyer des soldats.